C'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. C'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors, dehors, dehors ce gouvernement qui casse les grèves et le code du travail, qui nous matraque et qui nous gaze. Alors, c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Voilà, voilà ce qu'on a entendu au cours de cette grande manif du 14 juin 2016. 14 juin 2016, le bitume se soulève. Essoufflement. Essoufflement. Ça fait 3 mois que ce mot est employé chaque jour, dans les grands médias. Essoufflement du mouvement. Et chaque matin, c'est démenti. Chaque matin, ça repart. Et tous les soirs, on a essoufflement du mouvement. Le 14 juin, c'était non seulement l'essoufflement du mouvement, mais c'était en plus le baroud d'honneur. Parce que là, c'était terminé. Bien sûr, c'était terminé, pensez. Il y avait l'euro. Oh, ben alors, c'est terminé. Les veaux vont se mettre devant leur télé. Ils vont plus aller... Eh ben si. Les veaux arrivent à faire 2 choses en même temps. Le soir, ils regardent le match. Et dans la journée, ils vont à la manif. Et c'est ce qui s'est passé ce 14 juin dernier. Depuis des semaines, depuis des années, la contestation s'est enracinée. Et malgré l'appui massif des médias, ce gouvernement minoritaire, ce gouvernement impopulaire, sans majorité dans le pays, ni même à l'Assemblée nationale, n'a plus que la violence pour exister, la violence policière et la violence militaire pour imposer l'ordre néolibéral. C'est sa mission. Comment ? Par la matraque, par le gaz lacrymogène, par la grenade de désencerclement. La violence policière n'est pas la seule. Il y a bien d'autres violences. La violence du 49-3, la violence médiatique, on vient d'en parler, la violence du chômage de masse, la violence de la précarité, la violence du contrôle aux faciès, la violence du mépris social et bien d'autres encore. Toutes ces violences se sont accumulées, ont fermenté et elles explosent aujourd'hui. Ça explose aujourd'hui. Alors n'oubliez pas toutes ces violences-là. En voyant et en vivant ce 14 juin 2016, le bitume se soulève. C'est un reportage de Jonathan Duong et d'Ilatebi avec toute l'équipe de la Bassi J'y suis. Qui c'est les casseurs? C'est eux les casseurs. Xavier Ladouze de la RTBF. Alors, Bertrand Piccard, vous avez décollé de New York lundi à bord du Solar Impulse 2 après 3 jours passés au-dessus de l'Atlantique. Comment vous sentez-vous ? Écoutez, je me sens très bien. Il faut dire que nous nous sommes beaucoup entraînés avec André Borschberg pour ces longs vols. Donc au niveau santé, au niveau moral, au niveau fatigue, tout va très très bien. Au niveau météorologique aussi, parce que j'ai traversé un front de mauvais temps en le survolant ce matin au réveil. Maintenant, je suis sur un océan dégagé, en train de me diriger vers l'Europe. Donc, c'est un très, très grand moment. Mais c'est déjà le dernier jour de vol. Hein. C'est, Ça passe vite, 3 jours, je peux vous dire. Donc, 3e jour de vol. Où êtes-vous précisément, là, maintenant, au-dessus de l'Atlantique ? Je suis entre les Açores et la côte marocaine. Il y a une basse pression plus au nord qui va donner des vents circulaires qui me font ensuite remonter vers la côte espagnole. Vous parlez des conditions météo. C'est une fabuleuse aventure aussi au niveau de la gestion de la prévision météo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quelles sont les conditions météo nécessaires de jour et de nuit pour permettre ce fabuleux défi ? Écoutez, c'est un peu comme pour un ballon. Et c'est pour ça que je travaille depuis si longtemps avec l'Institut Royal de Météorologie. Il faut éviter les nuages, il faut éviter les vents trop violents, il faut éviter les turbulences, il faut rester au soleil. Et la nuit, on descend avec Solar Impulse jusque vers 2000 mètres d'altitude pour remonter ensuite quand on a davantage de soleil. Donc il faut que les conditions de nébulosité nous permettent d'être à 9000 mètres comme à 2000 mètres tous les jours. Donc c'est une gageure. C'est vrai, c'est très difficile. Et c'est aussi pour ça que parfois on doit attendre si longtemps. André, avant son vol du Pacifique l'année dernière, a attendu 2 mois entre la Chine et le Japon avant de pouvoir rejoindre Hawaï. Voilà l'importance, en effet, de cette fenêtre météo. Alors, une autre question, quand on est seul comme ça en vol, on prend de la hauteur au sens propre comme au sens figuré. J'imagine qu'on réfléchit aussi sur le sens de notre présence à tous sur cette planète. Et quel est votre message à ce niveau-là à faire passer à tout le monde, vous qui avez, j'imagine, pu réfléchir un peu à tout cela ces dernières heures ? En fait, je réfléchis à ça depuis toute ma vie. C'est des questions que je me posais déjà quand je parlais avec ma mère et qu'on avait des grandes discussions spirituelles sur le sens de la vie. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que la vie, c'est un moment entre la naissance et la mort et puis que ça doit se passer le mieux possible. Et puis, dès qu'on a des problèmes, on devient anxieux, angoissé, déprimé, malade, et ça donne une vie catastrophique. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser qu'il n'y a pas que le monde matériel, qu'il y a aussi ce monde spirituel. Ce monde spirituel, il est fait de d'autres valeurs que le monde matériel. C'est le monde de la compassion, de la bonté. On essaye d'augmenter sa sagesse, sa conscience, et c'est fondamental. Alors, il n'y a pas besoin d'être dans un avion solaire pour faire ça. Mais par contre, dans l'avion solaire, peut-être qu'on peut essayer de le mettre en pratique. Parce que ce manque de respect pour l'environnement qu'on a d'habitude met en péril le futur de l'humanité. Et dans un avion solaire, on montre qu'il y a d'autres manières de faire. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui est technologique, c'est une aventure qui est humaine, mais c'est une aventure qui est spirituelle aussi, parce qu'elle rappelle les valeurs profondes de l'être humain, de respect, de compassion pour ce qui nous entoure. Et je vous remercie de poser cette question, parce que ce n'est pas souvent qu'on me pose des questions de cet ordre-là. Bien, merci en tout cas d'y avoir répondu aussi bien, Bertrand Piccard. Alors, ce que vous venez de me dire, c'est quelque part l'esprit pionnier qui habite votre famille depuis toujours. Est-ce que c'est cette prise de hauteur par rapport au monde matériel, au monde dans lequel nous vivons, qui anime cet ADN, l'ADN de votre famille ? Vous savez, le monde matériel, c'est le monde dans lequel on doit vivre, on doit avoir un métier, on doit gagner de l'argent, on doit avoir une maison, etc. Mais ça ne peut pas être le but en tant que tel. Je crois que le but, c'est d'élever l'esprit, c'est de voir qu'on peut toujours faire mieux. Alors, il faut évoluer sur le plan spirituel, il faut évoluer sur le plan psychologique, sur le plan philosophique. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que tant qu'on se satisfait de ce qu'on a, on n'avance pas. Et même si on a beaucoup, même si tout va bien, il faut aller chercher sur d'autres niveaux, il faut essayer de faire mieux, il faut essayer de repousser les limitations qu'on s'inflige à soi-même. Parce que très souvent, nous sommes prisonniers de vieilles manières de penser, prisonniers de dogmes. Mmh. Tous les dogmes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient politiques, maintiennent l'être humain dans une situation de dépendance et de servitude. À ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot hérésie, ça vient du grec, ça veut dire la liberté de choisir ce qu'on pense. Et dans ce sens-là, je pense que les pionniers, c'est des hérétiques. C'est des gens qui veulent réaliser l'impossible alors qu'on leur dit qu'on peut pas. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup sur le plan technologique pour réaliser l'impossible et avoir une meilleure qualité de vie sur cette planète, arrêter l'épuisement des ressources naturelles et la pollution qu'on fait subir à notre environnement. En se rappelant que finalement, l'environnement va nous survivre. C'est l'humanité qui est en péril. Si on détruit la nature, l'être humain mourra avant les animaux et avant la nature. La nature continuera, peut-être pas identique, mais elle continuera. C'est l'être humain qui disparaîtra. Donc je pense qu'il faut se rappeler aussi ça, c'est que la protection de l'environnement, c'est avant tout la protection de l'être humain. Alors l'aventure se poursuit, vous êtes bientôt de retour quelque part en Europe, là où cet avion solaire a été imaginé. Et quelles sont les prochaines étapes qui vous attendent avant de boucler totalement ce tour du monde ? Écoutez, il y a encore la dernière journée de vol et la dernière nuit de vol. J'ai encore, une vingtaine d'heures de vol. Il faut jamais... Moi, je suis un peu superstitieux dans ce sens-là. Je suis très respectueux pour le destin. Et je ne crie jamais victoire avant que la roue se soit posée sur le tarmac de l'aéroport. À partir de là, on peut envisager la suite. C'est vrai que la suite, c'est un vol de André jusqu'en Égypte. Et ensuite, le dernier vol que je ferai pour le retour à Abu Dhabi, si tout va bien. Et on devrait y être début juillet. Tiens, on va prendre Christophe qui en a ras-le-bol d'entendre la crise. Christophe, bonjour. Bonjour, monsieur Bonin. Promoteur immobilier, vous êtes, Christophe, ouais, dans les sols. Je vais rectifier ce que vous avez dit. Nous, on vend pas. Non, mais je vais rectifier parce que nous, on vend pas. Mais je vais vous dire pourquoi on vend pas, monsieur Bonin. Allez-y. Parce que nous, les Français, par l'intermédiaire du gouvernement français, on a aidé des banquiers qui, eux, ne financent plus. Ne financent plus rien. Et moi, je vais vous dire un truc. En France, quand une société de 0 à 100 personnes a des difficultés, on la ferme et on n'en a rien à cirer. Mais les banques, eux, on va les aider et ils n'en ont rien à cirer des entreprises françaises. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre le matin de me lever, marre de lire la presse, marre d'entendre à la télé, marre d'écouter à la radio des journalistes qui font un malin plaisir de dire que c'est la crise dans ce pays, au lieu de dire « Ok, la blague ». C'est la crise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va se bouger, on va essayer de trouver des solutions et d'avoir des banquiers en face de nous qui font quoi ? Qui empêchent le système français de repartir alors que nous, on les a aidés. Ces gens-là, on n'a qu'à les fermer, les mettre au chômage comme ils mettent au chômage des centaines de milliers de personnes. Et il y en a ras-le-bol. Et il y en a marre. Parce que c'est pas en disant qu'il y a la crise qu'on va sortir ce pays de la merde dont elle est depuis des années et des années. Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, la crise, elle sert pas aux riches ? Vous croyez que les riches vont devenir plus pauvres ? C'est toujours les gens de la base ou les créateurs d'entreprises. Nous, on est caution personnelle sur l'intégralité de nos biens. Moi, je voudrais savoir si le directeur de la BNP qui ouvre sa gueule sans arrêt, ou le directeur de la Société Générale qui ouvre sa gueule sans arrêt, si eux, ils sont caution personnelle sur leur boîte. Eux, ils misent jamais leur société, jamais leurs biens, jamais leurs mômes, jamais leurs femmes. Nous aussi. Et c'est nous qui sommes dans la merde. Et il y en a ras-le-bol. Alors le gouvernement français, ils n'ont qu'à fermer les banques. Voilà. Et on les laisse crever comme ils nous laissent crever. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et j'en ai marre. Voilà. Et j'en ai marre des discours simplistes de la presse française qui sort que l'immobilier, on s'est gavé pendant des années. C'est pas vrai, monsieur Bourdin. On s'est pas gavé pendant des années. Vous avez oublié la crise de 90, où des mecs ont tout perdu. Tous. On a tout perdu en 90. On est reparti, on a recommencé, parce qu'on était vaillant au boulot. Et aujourd'hui, on est en train de re-tout perdre. Et tout ça pour qui ? Pour sauver des banques ? Des mecs qui ont misé des millions. Christophe, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Vous êtes promoteur immobilier aujourd'hui. Vous savez, on a fait un test. Vous savez, M. Bourdin, j'ai fait un test, comme ça, juste pour déconner, avec un erratum 2 heures après. Sur un site internet, pour ne pas le nommer, maison.fr, www.maison.fr, on a mis sur le site un appartement qu'on met en vente, et on met appartement gratuit, justement de cuisine équipée. Pas un appel. Mais vous plaisantez ! Mais c'est plus la crise ! C'est même pas une question de crise ! Et vous savez quand on vend ce qui se passe ? Les banquiers, ils prennent les dossiers, ils les étudient quand ils veulent, et ils nous donnent des refus avec des excuses bidons ! Des excuses bidons ! Des trucs incroyables ! Mais est-ce que nous, on est responsables, les Français ? Je parle pas, je parle même pas des entrepreneurs, je parle des Français, du peuple français. Parce que moi, je viens de la base, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, je viens de la base. Mais est-ce que vous croyez que les banquiers, aujourd'hui, en ont quelque chose à foutre des Français ? Ils rejettent des chèques pour 20 euros ! 20 euros, ils vous emmerdent ! Mais c'est quoi ce délire ? Et nous, on va leur donner des milliards ! Mais moi, je le dis clairement, clairement, il faut les laisser crever comme ils font crever des Français. Il y en a marre de ces gens-là. Christophe, vous avez plusieurs salariés, vous en employez combien de personnes, vous, Christophe? Au total, il y en a... Alors, parce que c'est tout est relatif. Employer des salariés, vous voulez que je vous dise combien ça peut aller? Ça peut aller jusqu'à 200 personnes. Ouais. Quand on construit un immeuble, on a des entrepreneurs. Et puis ces entrepreneurs, ils ont des sous-traitants. Et puis ces sous-traitants, ils ont des fournisseurs. Ça peut même aller jusqu'à 1000 personnes. Oui. Et si aujourd'hui, vous bloquez le pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des chutes en cascade de petites sociétés. Mais est-ce qu'on n'en a rien à cirer en France? Et le gouvernement, hein, français? Mais de droite, de gauche, c'est tous des incapables. Tous des voyous, tous des incapables, ils n'en ont rien à cirer. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont défendre Total? Ils vont défendre les banques? Ils vont défendre le Renault, Peugeot, Bouygues? À eux, ils vont les aider, eux? Il n'y a pas de problème. Et vous savez pourquoi ils les aident? Pas parce qu'ils ont envie de les aider. Parce que ça représente des milliers de personnes d'un coup au chômage. Mais les petites sociétés, les artisans, le petit mec qui est dans son camion, qui gagne 1 500 euros, qui bosse 16 heures par jour, ils n'en ont rien à foutre qui dépose sa boîte, qui a mis sa maison en caution personnelle. Ils n'en ont rien à battre de ce mec-là. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Et lui, il n'a même pas le droit au chômage, monsieur Bourdin. Même pas le droit. Il a cotisé pendant des années et des années. Il n'a même pas le droit aux acédiques. C'est bien ce pays. Il est magnifique, ce pays. Et après, on nous dit qu'il faut être vaillant. Monsieur Sarkozy, tu veux travailler plus? Alors bouge ton cul. Va pas au Mexique avec ta gonzesse et viens en charbon sauver le pays, parce que c'est ce que tu nous as dit. Et t'as rien foutu depuis que t'es là. Bah merci Christophe, merci, bon courage, hein. Je sens la colère terrible. Hein. Merci Christophe. La sorga. C'est comme ça? La sorga? On dit ça comme ça? La sorga, oui, c'est bien ça. Ouais. Ça veut dire quoi, la sorga? La sorga, c'est la source en occitan. En fait, on a choisi ce nom pour symboliser la source qu'on a ici sur le terrain, qui est un peu la raison qu'on peut être ici, il y a de l'eau. Et puis, connecté avec la terre d'ici, l'occitan. Et étonnamment, ça veut dire aussi paradis en indonésien. Alors tu vois, la sorga, ça veut dire paradis en indonésien. Non, quand moi j'ai découvert ça par hasard après, j'ai fait mais waouh, il y a des gros clins d'œil de l'histoire, tu vois, avec les liens familiaux qui passaient par l'Indonésie. Les tiens, ça, tes liens familiaux, ouais, voilà. Parce que les miens, non. Ok. Bah en fait, je suis un quart indonésien, un quart hollandais et moitié français, tu vois, c'est le melting pot un petit peu. Et... C'est les colonies, ça. C'est les colonies, ouais. À fond, ouais. En fait, moi, ça m'intéressait de te rencontrer parce que voilà, t'as un gars. Alors, c'est vrai, donc ici, on est sur un terrain qui est quand même assez énorme, quoi. Oui, ici, on a 18 hectares presque de terre, entre de la forêt, quelques friches et des champs. Voilà, et t'es propriétaire de ces terres et tu partages ces terres, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Je mets ces terres à disposition pour une association en fait qui habite sur le lieu. Certains adhérents de l'association habitent sur le lieu et peuvent développer les activités dans le cadre de la permaculture sur le lieu. Ouais. Ben, j'imagine, enfin, d'abord, d'où ça t'est venu cette idée? Et puis j'imagine que tu as évidemment un capital de départ pour pouvoir, parce que c'est quand même très très grand ici. Hein. Ben, en fait, c'est un héritage du grand-père qui était un des premiers Hollandais à s'installer dans la région. Donc il m'a transmis cette terre. À un moment, la famille songeait vendre le terrain. Mais ça tombait juste au moment où je rencontrais la permaculture et j'avais découvert cette nouvelle discipline. Quand j'étais à l'université en Angleterre, il y avait le livre dans la bibliothèque de l'université. Et donc, voilà, c'est grosse révélation. Enfin, un système qui paraît cohérent et qui apporte tout un tas de réponses dans un cadre écologique. Mais réfléchis pas seulement juste, bon, ok, on repart sur le Larzac, tranquille, élever des chèvres, sans vraiment penser à la chose. Et bon, au bout de quelques années, tout se disperse parce que voilà, c'était juste une sorte de rêve de citadin, mais qui n'était pas vraiment confronté aux réalités des choses. Mais là, finalement, un outil qui apporte, qui regarde de manière systémique la vie. Et quoi ? Dans ta famille, donc, ils étaient prêts à vendre, c'est ça que tu dis? Oui. Tu trouves la permaculture et quoi, la confrontation entre ben, les terres et... En fait, je en discute avec quelques-uns de mes anciens amis. Je leur dis, voilà, j'ai ce terrain, ça vous dirait démarrer un projet, faire de la permaculture sur ce lieu, monter une petite ferme ensemble. Et bon, j'ai trouvé quatre autres camarades qui étaient prêts à partir à l'aventure. Et ça s'est fait très rapidement. On s'est jamais rencontrés tous ensemble pour faire une réunion, pour discuter du projet. Ça s'est jamais fait comme ça. Un jour, on venait tous un peu de finir la fac. À un moment, on était liés. Paf, on s'est retrouvés sur le lieu en octobre. On est tous arrivés dans l'espace d'une semaine. On s'est retrouvés ici. Et on a commencé direct, en fait, avant de même commencer à réfléchir comment on allait faire, pourquoi. Allez, on commence à débroussailler, à préparer des jardins, faire un four à pain, etc. C'est parti très rapidement. C'était vraiment une logique d'action. Bon, bien sûr, après, le premier hiver, les longues soirées, tout ça, on passe beaucoup plus de temps à développer un peu plus la réflexion autour du projet. Mais encore toujours dans une logique de spontanéité, de pas trop se poser les questions finalement. Je pense que c'est assez chaotique comme début finalement, mais en même temps, pas de phénomène d'épuisement qu'on peut voir dans certains groupes où finalement, avant même que le projet commence déjà, il y a eu des tonnes de réunions. Et... Donc un projet très concret en fait, voilà. Ouais, et puis bon, je pense que c'était aussi parce qu'on sortait justement, on était jeunes, on était encore très boostés à vouloir faire tout de suite. Bon, bien sûr, après, on a appris assez rapidement qu'on ne pouvait pas non plus fonctionner complètement comme ça. C'était un peu les... de qui ça devient là, qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, si ça marche? Ben, ça marchait un moment, mais en fait, on s'est vite fait... dominer en quelque sorte, envahir c'est peut-être le mot, quand on a accueilli le village de Yurt Rainbow, en fait on n'a pas su gérer la cohabitation entre deux groupes et un gros afflux de nouvelles personnes sur le lieu, et du coup on a réalisé que ça pouvait pas marcher sur c'était difficile que ça marche sur un mode complètement déstructuré. On n'avait encore rien posé vraiment, et là on s'est dit bah, peut-être qu'il y a une nécessité de placer, de commencer à formaliser un peu les choses. Et puis ce groupe, tu dis ? Mais je ne suis pas forcément convaincu par la formalisation non plus. Hein. Parce qu'au fur et à mesure des expériences, à force de faire des règles, finalement, est-ce que ça règle les problématiques de départ ? Ben non, on retrouve toujours les mêmes problématiques d'humains, quelles que soient les règles de fonctionnement. Un polo. Ouais, mais bien sûr, de toute façon, c'est l'humain. Hein. Le P. Comment ? Putain de facteur humain. PFH. Ouais. Bah, peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est présenter, parce que moi j'aime bien commencer comme ça, pas forcément à faire de la pub pour les noms, les prénoms, mais Polo, tu es qui toi en quelques mots ? Moi je suis un membre du conseil d'animation d'Alem. habitant de logements éphémères et mobiles, et je connais la SORGA depuis les petits problèmes qu'ils ont eus il y a 3 ans avec l'administration, la DDT. Pourquoi ? Parce qu'ils vous ont appelé ? Oui, on a eu un appel, et puis bon, comme nous, on anime quand même une structure de réflexion juridique, de soutien juridique et d'animation pour mettre en réseau. Donc on a tout de suite fait le contact avec un des habitants de la SORGA particulièrement. Et puis j'aimais bien aussi, j'ai envie que tu racontes en quelques mots, parce que c'est amusant, je trouve. Donc il y a ce groupe de copains dont tu fais partie, ça marche bien, c'est chouette, c'est du concret. Et puis ce groupe se disloque. Et la cause, quand j'ai posé la question, ce serait les gonzesses, quoi. À la base, il n'y avait pas de filles dans votre groupe, et puis de fil en aiguille, ce serait ça la cause. C'est en partie la cause. Après, c'est toujours très complexe, en fait. C'est vrai qu'on a démarré à 5 garçons. Donc, du coup, il y en avait un qui avait déjà une copine, mais qui était sur l'île, donc à l'autre bout de la France. Ils ne se voyaient pas beaucoup, du coup. Donc déjà, difficulté. Après, à la fin de l'hiver, avec le Rémo qui arrive, des autres gars trouvent des copines aussi. Et très rapidement, enfants. Les premières naissances ont eu lieu ici avant qu'on ait fêté le premier anniversaire du lieu. On avait commencé en octobre, en septembre, il y avait le premier enfant qui est né. Bon, il n'a pas été conçu ici, il était déjà conçu avant qu'il arrive ici. Mais voilà, c'était gros changement dans notre vie. Et après, un mois plus tard, un autre gamin qui naissait aussi. Donc, d'un coup... En plus, en parallèle, on avait le changement, le déménagement. Donc au départ, on était dans 2 maisons. Tout ce qu'il y a de plus... petite maison de campagne rénovée, juste à côté, c'est là où notre voisine Elissia habite maintenant. Et du coup, comme ces maisons, mon père voulait les vendre, voilà, on doit déménager et on se retrouve là, ici sur ce terrain, en même temps que la naissance. Donc on prend aussi un appart à côté pour pouvoir assurer le confort minimum, salle de bain, machine à laver. Franchement, tu vas avoir 2 maisons, une ici et une là-bas alors. Oui, à ce moment-là, il y avait 2 maisons. En fait, on avait pris une maison avec 2 chambres juste pour les 2 couples avec leur enfant, pour qu'ils soient dans des conditions correctes, parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Il n'y avait même pas... on avait une yourte qui nous a été prêtée par la famille Rainbow française. Un vieux tipi qui fuyait, un petit tipi de 4 mètres, et donc une petite caravane aussi, et donc situation assez tendue pour commencer l'hiver en fait. Donc c'est vrai qu'on est passé d'un petit nid douillet à survie dans les bois très rapidement. En fait, j'arrive pas bien à comprendre. À la base, t'es ici, et puis t'as un enfant. Moi, c'est pas, j'ai pas d'enfants encore. Hein. Je parle des autres camarades du lieu qui ont eu des enfants. Et donc, mais toi, je comprends pas bien. Tu es ici à la base, et puis tu pars d'ici. Tu pars bosser. Oui, pendant la majeure partie du temps où j'ai habité ici, j'ai travaillé aussi en même temps dans le pétrole. Et en fait, ça fonctionne sur un principe de rotation. Donc, on a... un mois à l'étranger et un mois après de repos pour récupérer. Et donc c'était un système qui me permettait, l'idée au début c'était ok, j'ai un boulot à l'extérieur qui permet de financer le démarrage du projet, et puis le moment où on deviendra plus autonome, ben voilà, je pourrai arrêter, lâcher ce travail. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Pourquoi ? Ben parce que, je sais pas, c'est compliqué, on s'est dispersé. On n'a pas forcément investi les fonds là où ils auraient dû aller, peut-être. C'est une question d'argent à la base, c'est ça. Si tu lâches pas ton boulot, c'est parce qu'il te rapporte beaucoup d'argent aussi en même temps. Tu peux pas lâcher ça comme ça, j'imagine. Parce que c'est contre... Là, enfin voilà, je comptais rentrer plus dans les détails comme ça, mais c'est contre... Enfin voilà, j'imagine un lieu ici, la SORGA. Ben, c'est un lieu qui se veut quand même un peu... Comment je dirais ça, porteur d'idées, quoi. On essaye de vivre autrement quand même, Et puis en parallèle, tu fais un boulot direct où tu touches le point sensible, c'est le pétrole, quoi. Voilà, tu travailles avec le pétrole, toi, avec, hein, t'es au courant, hein, le pétrole, les guerres, tatatis. Donc j'imagine que c'est pas, voilà, c'est. Comment est-ce qu'on fait dans la tête pour d'une main Ben en fait, moi, au départ, je l'ai vu comme une. Effectivement, d'un côté, il y avait, c'était un peu une forme de prostitution. Mais d'un autre aspect, c'était ok, on va prendre de l'argent qui finalement, bon, l'argent, l'industrie pétrolière a plein d'argent, donc elle se permet d'être un peu généreuse sur les salaires. Enfin, encore pas toujours, nous, c'est, moi c'était loin d'être le cas. Du coup, bah, c'est de l'argent qu'on peut détourner, sortir du système et investir dans quelque chose de plus intéressant finalement. C'était quoi exactement, en quelques mots, hein, ton job, c'était quoi précisément Concrètement, je travaille dans ce qui s'appelle le mud logging en anglais, c'est la surveillance géologique des forages. Donc, c'est un service parapétrolier. On travaille sur les plateformes de forage pour le développement ou l'exploration de nouveaux puits. Et on assure le service sur la plateforme de collecte des échantillons et analyse des échantillons de roches qui remontent à la surface. Et en même temps, aussi une sorte de. Quelque part une fonction de sécurité un peu comme une boîte noire. On a des capteurs un peu partout sur la plateforme qui enregistrent tous les paramètres du forage et qu'on surveille en temps réel et qu'on va pouvoir après prévenir, intervenir le moment où il y a une situation dangereuse qui se développe. On va pouvoir dire ok, voilà la situation et les autres équipes sur la plateforme vont pouvoir réagir en fonction du problème soulevé. Voilà. Et donc, j'ai travaillé plus de 10 ans dans cette entreprise, au départ une petite boîte italienne, qui est devenue maintenant une beaucoup plus grosse boîte. Mais voilà, c'est un autre monde. Vas-y. Oui, oui, c'est un autre monde, mais j'imagine quand on se lève, c'était un temps plein. C'était, ben en fait, si tu regardes la rotation, c'est plus qu'un temps plein, en fait, parce que quand tu es sur plateforme, tu fais 12 heures, 7 jours sur 7, donc en tout, tu fais 84 heures par semaine, tu comptes, ça fait plus du double des horaires normaux. Donc on récupère un petit peu, mais au final, on travaille plus que le travailleur lambda. Après, effectivement, ça laisse une plage de temps, c'était ça aussi l'opportunité, ça laisse 6 mois par an pour développer autre chose. Et d'ailleurs, en travaillant dans ce milieu, j'ai rencontré des gens qui faisaient beaucoup de gens qui vivaient leur passion, en fait, grâce à leur travail. Et au temps qu'ils avaient, ils arrivaient à vivre vraiment leur passion. Et bon, ça va du surfeur qui passe son temps à voyager à chaque fois qu'il a ses vacances, il fait le tour du monde, à aller sur les super spots de surf, à se faire plaisir, à des gars qui vont aller habiter en Espagne, alors ils se font une yourte pendant qu'ils se construisent leur super baraque. Mais ouais, il y a des mondes, après ça va être un gars qui est passionné de pêche, ou voilà, ils se font tous leurs petits trucs pendant leur temps libre, parce qu'ils ont tellement de temps que souvent il faut qu'ils l'occupent. Il y en a qui me disent, après un mois à la maison, j'ai hâte de retourner au boulot, ouais, je suis dans les pattes de ma femme, tout ça, ouais, c'est un peu un autre univers aussi. Donc c'est marrant parce qu'en même temps, ici, il y a des gens alternatifs, et finalement, dans le monde du pétrole, où on l'imagine peut-être pas, c'est aussi un milieu plein d'alternatifs différents, mais souvent des gens qui ont des projets de vie assez différents du citoyen lambda. Ouais, ouais, c'est dingue ça. C'est dingue que d'une main, on fait marcher la grosse machine et de l'autre, on est là, tranquille, dans sa forêt. C'est un peu bizarre, quoi, non ? Ben, oui et non. En fait, moi, ce qui me dérange avec les gens qui sont dans le milieu alternatif, c'est qu'ils oublient que finalement, leur mode de vie, malgré tous les efforts qu'ils font à être décroissants ou j'en sais rien, écolo, etc., comme ils veulent, mais finalement, leur mode de vie est entièrement dépendant sur cette société industrielle. Qu'ils le veuillent ou non. C'est très difficile d'aller s'isoler au fond d'une grotte et d'être pas. Et même si on le fait, finalement, toute notre histoire, tout notre apprentissage est conditionné par cette société industrielle. Oui, oui, c'est sûr, mais là, de toute façon, on ne va pas rentrer dans le. Mais on pourrait plus ou moins vivre simplement aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être comme ça. Je veux dire, pour ma part, moi, je ne crois pas que je. Bon, c'est pas la vie, mais je trouve ça beau quand vous pouvez relier autant ce que vous aimez faire avec votre vie intime. Je trouve que ça forme un tout et pas être comme ça découpé entre d'une main faire un boulot quelque part qui fait fonctionner vraiment la grosse machine. Hein. Vous vous trouvez vraiment à un endroit bien particulier de la grosse machine aussi, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un pion dans l'échiquier, pas à n'importe quelle place. Hein. Il y a plein d'enjeux de guerre et financiers derrière votre métier qui sont assez énormes, quoi. Il y a le téléphone qui sonne. Et pour revenir, ce qui était marrant, c'était ton licenciement, quoi, non? Bah oui, enfin marrant, je sais pas si c'est marrant, mais... C'est super marrant, c'est quoi. C'est toujours un peu drôle, mais bon, c'est sûr qu'à force, d'être dans ce domaine-là, bah, il arrive un moment où... Mais moi, je trouve que symboliquement, ça fait vraiment, bah voilà, t'es pris, quoi, quelque part dans ta vie, justement, autre, quoi, quelque part. Moi, ça fait partie du truc. Effectivement, je l'analyse un peu comme ça, quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui me force à retourner vers cette vie. Parce que, bon, il faut que je revienne là-dessus. C'est que, bon, j'ai passé 10 ans à la Sorga. Et puis après, bon, lorsque j'ai rencontré ma femme au Gabon, bah, on est revenu vivre ici. Pendant 6 mois, mais après ça pouvait pas marcher pour ma femme, donc on a dû trouver d'autres solutions. Donc j'ai pris un appartement à côté dans le village à côté de la Sorga, et petit à petit lâcher de plus en plus finalement les responsabilités par rapport à ce lieu. Après, la vie me rappelle toujours, finalement, parce que même au moment où je quittais, quelque part, c'est là où on a commencé à avoir les ennuis avec la justice. Et je m'en suis très peu occupé, en fait, de l'affaire. C'était un peu le paradoxe. C'est que j'étais celui qui était accusé, mais finalement, j'étais plus vraiment là. Pas compris pourquoi toi, sans enfant, tu as une maison en dehors d'ici. Ça, je comprends pas. Ben, en fait, c'est assez simple. Hein. J'ai rencontré ma femme, on était au Gabon. À ce moment-là, j'étais assigné en base là-bas pour la société en tant que manager sur la base qu'on avait à Port-Gentil. Et du coup, j'étais sur une rotation assez longue. Je faisais 3 mois au Gabon, 1 mois à la Sorga. À ce moment-là, j'avais un peu la sensation d'être complètement pris par le lieu, dans le sens où j'étais quasiment, on pourrait dire, marié à la Sorga. Ça occupait tout mon temps, toute ma vie, tous mes revenus passés là-dedans. Et ça faisait quand même un moment que j'avais pas de copine. Je me suis dit, il y a quand même un... Il y a peut-être un truc là-dedans, tu vois. Et à partir du moment où j'ai exprimé ça, finalement, la situation a changé. Et voilà, bah, je file en aiguille, je me suis retrouvé avec une copine qui est devenue... Après, on était bien. Bah, et donc, quand je me suis fait renvoyer en fait, de mon poste au Gabon parce que il y avait des changements dans la structure sur place et ce n'était pas gérable. Donc, je suis revenu à la Sorga et je suis revenu avec ma compagne à l'époque. Et très vite, on s'est mariés pour faciliter les papiers, tout ça. Et donc, les 6 premiers mois, on est revenu au mois de septembre. On est à la Sorga, voilà, avec ma femme. Et on est resté à la Sorga jusqu'au mois de mai. Donc, elle a vu son premier hiver en France. Ça a été dans une cabane. Et c'est vrai que pour elle... c'était pas la vie qu'elle envisageait, quelque part. Elle le savait, je l'avais expliqué, quelle était ma vie en France quand on s'est rencontrés au Gabon. Mais elle a vite réalisé que c'était pas possible pour elle de vivre en collectif, de retrouver finalement les conditions de vie un peu primitives qu'elle a pu avoir au Gabon ici. Primitive, c'est durement dit. Non, oui, c'est un peu durement dit. C'est surtout que c'est quand même nettement pire au Gabon. En fait, quand tu regardes dans l'absolu des choses, c'est pas du tout la vie dans les bidonvilles, c'est pas du tout la même que la vie dans une cabane au fond des bois. Mais c'est sûr que pour elle aussi, c'est une citadine. Elle a vécu tout le temps dans les grandes villes, dans la capitale, tout ça. Donc pour elle, se retrouver en pleine campagne, c'était très dur. Et depuis donc qu'on a vécu ici, elle a poussé, elle était malheureuse, donc forcément moi j'ai adapté ma vie pour prendre en compte les besoins de ma femme, tout simplement. Donc au départ, trouver quelque chose d'assez proche pour pouvoir continuer quand même à gérer un peu les choses, le temps qu'il y ait une sorte de passation de pouvoir qui s'effectue. Et puis après, en fait, non. Après, je suis parti aux Pays-Bas pendant un an. Donc, ces dernières années, j'ai quasiment pas été en fait dans le coin. Je revenais vraiment que de manière épisodique, et je venais faire passer un coucou rapidement à la Sorga, genre une fois sur mes vacances, et pas systématiquement. Donc, vraiment changé. J'avais complètement changé mon rapport à ce lieu. Et je pense que je veux continuer aussi dans cette logique-là. Là, je me réimplique un petit peu parce que je sens qu'il y a un besoin aussi du lieu de redonner une impulsion un petit peu au groupe qui est là. Puis j'ai un peu plus de temps maintenant pour le faire, donc j'en profite. Mais je sens quand même qu'il est temps que le lieu aussi apprenne à vivre sans moi, en fait. Parce que ça fait partie des difficultés finalement qu'on a sur ce lieu. Ça a été toujours cette fonction, ce rapport où je suis le propriétaire et les autres habitants ont toujours un peu un rapport particulier du fait de ce rôle, en fait. Et ça fausse un peu... c'est un lieu qui se voudrait être un espace d'égalité, etc. Et finalement, c'est pas forcément évident de concilier ça avec... Avec toi, là. Là, oui. Et oui. Allez, raconte-nous je trouve ça... Donc, en gros, ce que tu racontes, oui, la femme, elle est vraiment ennuyante, quoi. Hein, la femme, il faut un peu plus de confort, c'est ça, hein. Et du coup, on quitte la forêt. La femme africaine, en tout cas, oui. Elle s'est mariée avec un blanc, c'est quand même pour vivre un peu la vie des blancs, tu vois. Après, elle n'est pas non plus dans l'opulence, tout ça. Elle a envie de... Juste qu'on ait une vie normale, en fait. Donc, je lui fais vivre ça, je la laisse découvrir que finalement c'est pas si drôle non plus, qu'il y a tout un tas de choses qui viennent avec ça, toutes les paperasses, des frais. Là on se retrouve, justement je suis en situation où j'ai plus d'emploi, où je suis pas encore sûr de pouvoir toucher des indemnités. Et du coup, ça pose vraiment des questions par rapport au train de vie qu'on a besoin de continuer à assumer finalement. Et on a tout un tas de charges que j'avais pas quand j'étais ici à la Sorga, c'est évident. Et raconte-nous ton licenciement, il est beau, quoi. Tu veux pas ? Mais tu as le droit, hein, moi, il n'y a aucun problème. C'est pas par rapport à toi. Ouais, bon, déjà, j'ai une clause de confidentialité par rapport à ça. Donc... Et puis, bon, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux dans ma carrière. Je trouve ça trop bon, moi. Enfin, bon, voilà. On passe à... Tout le monde va me demander, quoi ? Et quoi, la Sorga, alors, c'est un rêve de faire autrement. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a vraiment... est-ce qu'il y a des choses qui se font autrement ici ? Même dans les rapports humains, hein, parce que vivre... je pense qu'il y a des choses... On ne vit pas de la même manière, pas dans les mêmes maisons. De fait, il y a les choses... de fait, de vivre dans un environnement différent, dans un habitat différent... forcément, finalement, quelque part, on adopte des principes de vie différents. Le fait de devoir travailler quand même au minimum un peu en collectif transforme les rapports au-delà du simple voisinage. Donc, c'est vrai que ça... Moi, je compare souvent ça à la même problématique qu'on peut avoir dans un couple multipliée par le nombre de personnes qu'il y a dans le collectif. Donc, c'est extrêmement compliqué la vie en commun et ça secoue beaucoup de choses. C'est très intense. Les 10 ans que j'ai passé ici, c'est comme si j'en avais passé, je sais pas, 30 ou 100 ailleurs. C'est un condensé de vie en quelques années. C'est fort. Après, je pense pas que ça soit pour tout le monde. Et je pense aussi que il y a encore de la réflexion sur la façon dont on le met en œuvre. Peut-être il y a un manque de... J'aime bien les choses spontanées, un truc un peu organique. Souvent, plus on va structurer et rendre le projet sérieux, plus ça perd finalement son âme. Et je trouve... très délicat de garder l'équilibre. Et c'est ça qui m'intéresserait. C'est arriver à trouver justement avec Alem les formes qu'on pourra développer pour trouver justement ces bons compromis. Il y a eu des problèmes ici, évidemment, avec les habitations. Ici, il y a eu des problèmes avec les habitations, mais il y a eu, ça, c'est qu'une partie des problèmes qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas si c'est finalement ces problèmes-là qui m'ont le plus marqué, mais peut-être plus les problèmes humains. On a eu des personnes qui étaient vraiment en situation de détresse psychologique ou sociale, qui sont passées par le lieu. Et on se retrouvait dans une position finalement assez délicate parce que on n'est pas formé et c'est pas toujours évident de bien se positionner et de gérer tout simplement ces situations-là en fait. Et quel genre de problème il y avait en fait concrètement? En fait, un lieu comme la Sorga, de par sa nature un peu alternative, assez libre, c'est une sorte de d'aimant pour tout un tas de personnes qui sont qui sont complètement en dehors des structures sociales ou qui sont en détresse et qui vont entendre parler du lieu et se dire « Ah tiens, c'est un endroit où je vais pouvoir me poser, où on ne va pas forcément me juger ou m'imposer un truc, on ne va pas m'enfermer, etc. » Et ils s'imaginent que voilà, ça va être possible peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, après, nous, on se retrouve dans une situation où finalement, on s'aperçoit très vite que, bon, ok, on veut bien être hospitalier et tout ça, mais on se retrouve quand même avec des personnes qu'on n'arrive pas du tout à gérer, qui vont nous causer des problèmes directement sur le fonctionnement quotidien du lieu, mais aussi d'interaction avec le voisinage, et puis même de soucis pour eux-mêmes, parce que forcément, ils peuvent se mettre en danger et on n'est pas forcément habilité à gérer la situation. Donc... Oui, vous vouliez pas faire un lieu un peu social comme ça avec des gens qui vivent des problèmes. Non, c'est vrai que la logique du lieu n'a jamais été de faire un lieu thérapeutique ou un lieu d'hébergement, mais plutôt un lieu d'expérimentation, de recherche, Dans quel domaine? La permaculture, mais bon, la permaculture, c'est quand même assez large pour clarifier un peu les choses. La permaculture, c'est c'est tout simplement un système de conception de l'habitat humain en interaction avec son environnement. Mais ça peut être pour tout, c'est pas seulement des histoires d'habitat ou d'agriculture, ça va aussi dans les logiques, comment concevoir une cuisine, une entreprise. C'est en fait la permaculture, c'est un ensemble de principes qui s'inspirent des écosystèmes, du fonctionnement des écosystèmes, qui sont ensuite transposés aux écosystèmes que l'homme crée, donc tout ce qu'on va mettre en œuvre, que ce soit de manière industrielle ou de manière agricole, mais comment ça peut être pensé dans une réflexion organique, en fait, comment on peut développer des structures qui s'inspirent du vivant et du coup fonctionnent en harmonie plutôt qu'en disharmonie avec la biosphère. Parce qu'en fait, le gros souci qu'on a actuellement avec notre société industrielle, avant tout, c'est qu'elle elle se place dans une position de confrontation avec la nature. Plutôt de destruction, quoi. C'est même pas qu'ils se confrontent. C'est la destruction, on n'a pas le choix. C'est pas que la destruction, c'est la prise de contrôle, c'est la volonté de tout maîtriser. Parce que même dans la logique industrielle, on continue à créer une certaine forme de nature, mais une nature industrielle, artificialisée. On peut imaginer, par exemple, très bon exemple, les Center Parks dans le genre. Mais bon, tout parc et finalement, à y regarder, même dans surtout en particulier en Europe, tous les espaces naturels, si on y regarde bien, sont... très longtemps, ont été sculptés par l'homme. La forêt dans laquelle on est actuellement, c'est pas une forêt première, c'est un truc qui est là parce que l'homme a fait certaines choses sur ce terrain, a fait certains choix. Et je pense qu'on doit redonner plus de place et surtout reprendre notre place au sein de la nature. On est des êtres humains, des animaux de la nature. Donc on doit cesser de se percevoir comme étant séparés. Après, voilà, la permaculture, c'est une réflexion qui va dans ce sens-là. Donc après, au niveau du lieu, ça peut être très large, là, la façon dont ça va se développer. Ça peut être aussi bien des jardins, des forêts fruitières, de l'artisanat, des initiatives pour créer du lien localement. Enfin, tout est possible, finalement, tout projet qui se veut dans la préservation de la nature, dans la préservation de l'humain, dans le partage, etc., à sa place finalement sur un lieu comme ça. Mais il faut que ça soit quand même des projets un peu construits, qui aient une logique qui se cohérente en fait entre les projets qui se font sur ce lieu. Et là, vous, le public qui nous écoute, là, vous n'avez pas un truc à poser comme question ou une remarque à faire sur ce qu'on dit là ? Il faut venir ouais, près d'ici. C'était un lieu qui n'était pas forcément social, mais qui est devenu social, dans le sens où tous les habitants de la Sorga n'avaient pas forcément les moyens de trouver autre chose, au-delà d'une éthique écologique. Ça a été souvent pas un souci économique. Et c'est vrai que moi, je suis un ancien sorgassien et je suis arrivé avec mon vélo avec zéro en poche. Et j'ai vécu pendant 5 ans, et que ce soit Colette ou ça nous a permis de se poser, trouver un boulot, trouver un savoir-faire. Et aujourd'hui, je ne fais plus partie de ce lieu, mais voilà, je suis ancré. Et c'est vrai que Aymeric a toujours été très ouvert, et c'est vrai que ça a aussi pris beaucoup de complications, parce que oui, effectivement, faut arriver à gérer tout ça. Mais en même temps, humainement, ça a été extrêmement riche, très très riche, ouais. Pourquoi ? Parce que plein de rencontres, plein de différences ? Plein de rencontres, l'acceptation aussi, même par rapport aux anciens résidents, aux nouveaux résidents, et puis par tous ces gens qui aujourd'hui sont partis de la Sorga et qui font leur petite crène aussi à côté, qui ont fondé des lieux, qui accueillent, nous on a créé une association où on m'a transmis à la Sorga les constructions, et aujourd'hui je les offre librement les plans, et on va un peu plus loin dans justement cette liberté de transmettre sans forcément passer par l'argent. Donc Aymeric, parce qu'on t'a pas encore appelé par ton prénom, hein. Aymeric, tu fais quand même, t'es pas complètement, tu laisses ta porte ouverte quand même à des gens qui sont un peu plus, où c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Mais tu disais qu'au début, voilà, il y avait des gens qui sont venus, ça s'est mal passé parce qu'on n'était pas complètement équipés pour. Ça donnait un peu l'impression comme si tu fermais ta porte à tous ces gens un peu qui sont perdus, qui savent pas trop, qui sont pas. C'est ça en fait. Et puis là, on a un peu un discours. Mais non, il y a quand même une porte ouverte pour des gens. En fait, on a eu cette volonté un petit peu de fermer certaines choses, mais ça a toujours été finalement assez. Des tentatives assez vaines, et comme on n'était pas vraiment dans cet esprit-là, même le jour où il a fallu écrire des règles, c'était peut-être pas vraiment, on n'avait pas le cœur à ça. Et du coup, on n'a jamais été très procédurier à vouloir respecter les règles qu'on avait écrites. Donc à un moment donné, est-ce que ça a vraiment du sens ? Je sais pas. Et après, maintenant, je me dis qu'on peut essayer de recadrer ça en travaillant plutôt sur la notion de projet, c'est-à-dire qu'on a cet espace qui est disponible, qui a son potentiel, une manière de sélectionner les gens qui peuvent participer à l'aventure sur ce lieu, finalement, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter, contribuer à cet espace, et faire le tri là-dessus. Après, je pense que ça a toujours été l'idée de garder l'ouverture la plus large possible et d'avoir le moins de contraintes possible. Mais alors après, dans quelle mesure est-ce que les contraintes ne créent pas aussi des opportunités dans le sens où ça cadre et du coup ça simplifie le développement de projets. Je ne sais pas. Il y a plein de réflexions à avoir finalement autour de ça. Et malgré l'expérience qu'on a pu avoir sur ce lieu, on n'a pas encore les réponses sur ce qui pourrait vraiment fonctionner. Et je pense que quand même, pour l'instant, des retours que j'ai des gens qui passent sur plein d'autres lieux, c'est particulier. Il n'y a pas d'autres lieux avec ce fonctionnement ou avec l'accueil qu'on a pu avoir, c'est assez particulier. Ici, c'est assez particulier. Ouais. C'est bien, t'aimes bien ça. En fait, ça a été un lieu finalement de guérison sans qu'on le veuille. Et dis-moi, toi tu grandis, tu es d'où alors? Tu es né Je suis d'un peu partout en fait. Je suis né à Pau, mais j'y ai vécu pas longtemps. Après Lyon, quelques années. Après la Côte d'Azur, une dizaine d'années. Et finalement, après Tulle, études à Nancy, études en Angleterre. Et puis finalement, retour sur la Dordogne ensuite. Enfin, retour, arrivé en Dordogne. Et j'y suis encore. Finalement, même malgré, bon, bien sûr, une vie où je bougeais pas mal avec le boulot entre l'Afrique et les Pays-Bas et tout ça. Donc, beaucoup bougé, mais maintenant, c'est vrai que mes racines, elles sont en Dordogne. Et on est en Dordogne. Et oui. Mais quoi, c'est alors un souci, une recherche depuis... Parce que tu viens quand même d'une bonne famille, toi. Tu viens, ou je me trompe, il y a un capital dans ta famille, quoi. Je viens d'une famille qui serait maintenant, on pourrait appeler, moyenne supérieure, peut-être. Ma mère était prof d'anglais. Mon père a travaillé dans la robotique, dans l'informatique, il a fait une belle carrière, bon, pour finalement partir dans des choses complètement différentes, faire plutôt l'accompagnement à la recherche d'emploi et tout ça en fin de carrière. Mais voilà, ils ont quand même eu des situations assez confortables et m'ont donné l'opportunité de faire des bonnes études, m'ont mis dans un collège-lycée international. Donc je dirais que j'ai eu accès à beaucoup de voyages, à une culture assez riche. Mais tous les deux viennent plus du côté de ma mère, mais du côté de ma mère, c'est des familles très très modestes quand même. Qui ont pu, avec les Trente Glorieuses, se constituer le capital à la sueur de leur front, finalement. Donc, quand même... Et du côté de mon père, c'était une famille qui était au départ une famille hollandaise assez bourgeoise. Mais mon grand-père, lui, c'était déjà un rebelle à l'époque. Donc lui, il était avant-guerre, donc il avait décidé de s'engager dans l'armée pour pouvoir voyager contre la vie de ses parents. Il est parti à 18 ans dans les colonies. Et du coup, il n'a pas du tout hérité de toute la richesse qu'il y avait du côté de ce côté de la famille. Et lui, justement, avait démarré à faire une ferme ici. Donc, mon père a grandi dans un environnement très modeste, finalement, aussi. Bah, on va terminer peut-être aussi sur cette idée. C'est quoi qui fait que tu as eu envie de partager comme ça un lieu, en tout cas de le mettre en commun? C'est quoi? C'est de montrer qu'il y a des choses... Même si c'est pas toujours facile, j'imagine. T'as des problèmes quand même, ou t'as eu des problèmes. Enfin, maintenant, ça s'est un peu calmé, on va dire, mais t'as eu des problèmes ici avec ce lieu, parce que justement, pas la même chose que tes voisins. C'est quoi l'idée, en fait? Qu'est-ce que tu cherches, au fond, en faisant tout ça? Pour moi, pendant mon enfance, j'étais toujours un petit peu en recherche de justice. Il y a eu énormément de choses qui me choquaient sur le monde dans lequel je grandissais. J'étais assez rapidement, dès le primaire, je me suis sensibilisé aux idées communistes, un peu anarchistes. Je me suis intéressé aussi à tout un tas de cultures, de religions, etc. J'ai essayé d'agrandir mes horizons. Et en fait, dans mes explorations, il y a un certain nombre de choses qui m'ont vraiment inspiré. Ça va être quand j'ai découvert... toute la période 68 ans. Moi, mes parents, ils ont eu 18 ans en 68, donc ils avaient vécu vraiment ça au sortir de l'adolescence. Donc j'avais un peu l'esprit 68 ans transmis un petit peu par mes parents, même si bon, ma mère, elle était à Arcachon à la plage, elle n'a pas du tout fait les manifs. Et mon père, il était à Périgueux, il faisait les manifs, mais c'était surtout pour aller voir les filles du lycée d'en face qui ne pouvaient pas aller voir avant. Donc, pas forcément dans les réflexions politiques qu'il y a pu avoir à Paris. Mais bon, ils ont été de gauche. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans un univers gauchiste. Et ça, c'est une inspiration. Mais après, finalement, en découvrant le mouvement hippie, quand j'étais au lycée international, en plus, être entouré avec plein d'anglo-saxons, avec des parents qui, eux, avaient été à Woodstock, avaient fait le festival d'I Love White, etc., j'ai eu encore d'autres influences. Et puis, à ce moment, en fait, on s'est remis en seconde, on s'est fait l'année Woodstock s'inspirer de tout ça. Et puis, bon, en même temps, toute mon enfance sur la Côte d'Azur, j'ai passé mon temps à faire des cabanes, à explorer les bois autour de chez nous. Et j'aimais cet environnement-là, la vie simple, aller se faire un camping avec les potes, barbecue, exploration de grottes, les activités de nature. Et je me voyais pas arrêter ça au sortir de l'enfance, de me dire maintenant il faut que ça doit être métro, boulot, dodo. Mais non, c'est pas possible, j'avais envie de continuer à faire des cabanes, c'était toujours des rêves tout ça, donc une vie un peu plus simple, proche de la nature. Et puis petit à petit, rencontrer des gens qui avaient des projets communautaires. J'ai rencontré à l'époque l'asso qui existait, c'était un squat sur Grasse. Et donc ça nous a sensibilisé un peu à ces phénomènes de squat. On a fait sympathiser un peu avec les punks de Nice. C'était des rencontres un peu des alternatives petit à petit. Puis après j'ai rencontré la famille Rainbow qui m'a vraiment ouvert sur tout le mouvement néo-hippie, les communautés qui sont encore là, qui fonctionnent, certaines depuis les années 60, d'autres de nombreuses qui sont nouvellement créées. Et en fait, à l'époque, en 2002, quand on a démarré ça, c'était un petit peu, je sentais un renouveau de cette énergie-là de 68 qui revenait à la mode, on peut dire, mais avec une nouvelle approche, une approche peut-être un peu plus réfléchie, un peu moins juste idéaliste, mais vraiment sur l'action sur le terrain. Pareil que mai 68, c'était pas du tout. Enfin, il y avait vraiment toute une pensée, il y avait une manière d'apprendre autrement. Après, on a minimisé, paraît-il, ce mai 68 en disant oui, c'était des étudiants friqués qui ont fait un peu leur crise là. Mais c'était bien plus profond que ça aussi. À ce moment-là, on a minimisé tout aujourd'hui. Évidemment, oui, ça a été aussi, comme tout, récupéré, l'histoire réécrite, toujours pour donner la parole à ceux qui ont le pouvoir. Donc, évidemment, ça, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça. Et évidemment, ça, tout ça nous inspire, parce que je pense que les situationnistes, tous les réflexions de l'époque sur de l'anarchie, c'est pas mal, mais même ancien. Là, récemment, je suis retombé sur, un peu par hasard, je pense, sur la commune de 70. Et waouh! Pour moi, c'était encore autrement plus puissant que mai 68, quelque part. Et comme on voit que finalement, ça apparaît tellement peu dans nos livres d'histoire, c'est juste quelques lignes, et on n'évoque même pas ce qui s'est passé à ce moment-là, et les potentialités qui sont là, c'est quelque part, oui, c'est un peu ça, c'est essayer de vouloir... j'ai eu la chance d'avoir cet espace, et j'aimerais qu'il soit disponible pour faire des choses autrement. Et montrer, en tout cas, ça montre que c'est possible, qu'il y a quelque chose qui peut... maintenant, on verra bien la suite, mais ça fait plaisir, voilà. Un mot de fin, un mot que tu aurais envie de dire comme ça aux gens qui vont entendre. T'en as pas, hein. Mais. Résumer en un mot, ouais, non, ça serait difficile. En fait, si changement, je pense que ça, c'est un mot clé. Ce qui m'a vraiment je pense, influencé aussi, c'est con, mais c'était le motto de notre école internationale, c'était « Enrichissons nos différences » de Paul Valéry. Phrase un peu des... Bon, c'est juste un slogan pour une école, mais au final, c'est vraiment là où on a puisé la richesse de ce lieu. Il y a eu des gens du monde entier qui sont passés, qui nous ont transmis des choses, qui ont partagé des choses avec nous, et où on a partagé en retour. Je pense qu'on a semé plein de petites graines. Je pense qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont passées par ce lieu, qui font des projets, on pourrait dire, alternatifs maintenant dans leur vie. Pas forcément que grâce à ce lieu, mais en tout cas qui ont été en partie inspirés par le séjour qu'ils ont pu faire ici. Et je pense que ça, c'est très fort. Et en même temps, il faut jamais rester figé sur un fonctionnement, sur une idée, sur... À chaque fois, je lis un nouveau bouquin, je découvre un nouveau penseur, je discute avec quelqu'un, et finalement, je me réalise, mais putain, j'avais tout faux jusqu'à présent, on a fait plein d'erreurs, pourquoi on a fait ça ? Et c'est tout un apprentissage, et il faut savoir, je pense, tous rester humble et dire, bon, ok, on tâtonne, on expérimente, pratiquer le dissensus. Tout le monde parle de beaucoup de consensus ces temps-ci, moi je propose plus l'inverse, c'est pratiquer chacun, tester des trucs, expérimenter nos différences, accepter nos différences, plutôt que de continuer à toujours uniformiser, comme c'est trop souvent le cas. Et c'est vrai que c'était en partie ce qui me gênait aussi quand on fait des règles, tout ça. Mais quelque part, on essaye d'uniformiser le groupe, à se rentrer dans un cadre, et finalement, on recrée ce qu'on n'a pas envie. C'est con, hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Changement. Voilà, changement. Changement, allez. On change. Merci, Aymeric. Merci à toi. Hein. Merci à vous.